L'Heptaméron des nouvelles de Marguerite de Navarre, enregistré par Christiane Johann. Neuvième nouvelle. La parfaite amour qu'un gentilhomme portoit à une damoiselle, par être trop scellé et méconnu, le mena à la mort, au grand regret de Samy. Entre Dauphiné et Provence, y avoit un gentilhomme, beaucoup plus riche de vertu, bolté et honnêteté que d'autres biens, lequel aima fort une damoiselle, dont je ne dirai le nom, pour l'amour de ses parents qui sont venus de bonnes et grandes maisons. Mais assurez-vous que la chose est véritable. À cause qu'il n'estoie de maison de même qu'elle, il n'assoit découvrir son affection, car l'amour qu'il lui portoit estoie si grande et parfaite qu'il eût mieux aimé mourir que désirer une chose qui eût esté à son déshonneur et, se voyant de si bas lieu au prix d'elle, n'avoit nul espoir de l'espouser. Par quoi son amour n'est-ce-toi fondé sur nulle fin, sinon de l'aimer de tout son pouvoir le plus parfaitement qui lui est-toi possible, ce qu'il fait si longuement que à la fin elle en eut quelque convoissance, et voyant l'honnête amitié qu'il lui portoi, tant pleine de vertu et bon propos, se sent-toi honoré d'estraimer d'un si vertueux personnage, et lui faisoit tant de bonne chère que n'avoit nulle prétente à mieux se contenter. Mais la malice, ennemie de tout repos, ne peut souffrir cette vie honnête et heureuse, car quelques-uns allèrent dire à la mère de la fille qu'il se esbahissoit que ce gentilhomme pouvoit tant faire en sa maison, et que l'on soupçonnoit que la fille le y tenoit plus que d'autre chose avec laquelle on le voyoit souvent parler. La mère, qui ne douptoit en nulle façon de l'honnêteté du gentilhomme, dont elle se tenoit aussi assurée que de nul de ses enfants, fut fort marie d'entendre qu'on le prenoit en mauvaise part, tant que à la fin, craignant le scandale par la malice des hommes, le pria pour quelque temps de ne hanter pas sa maison, comme il avoit accoustumé, chose qu'il trouva de dure digestion, sachant que les honnêtes propos qu'il tenoit à sa fille ne méritoient point telle eslonguement. Toutefois, pour faire taire les mauvaises langues, se retira tant de temps que le bruit cessa, et y retourna comme il avoit accoustumé, l'absence duquel n'avoit amoindri sa bonne volonté. Mais, estant en sa maison, entendit que l'on parloit de marier ceste fille avec un gentilhomme qui lui sembla n'estre point si riche qu'il lui dût tenir ce tort d'avoir Samy plutôt que lui, et commença à prendre cœur et employer ses amis pour parler de sa part, pensant que si le choix estoit bâillé à la damoiselle, qu'elle le préférerait à l'autre. Toutefois, la mère de la fille et les parents, pour ce que l'autre estoit beaucoup plus riche, laisse-le dont le pauvre gentilhomme prend un tel desplaisir, sachant que Samy perdoit autant de contentement que lui, que peu à peu, sans autre maladie, commença à diminuer, et en peu de temps changea de telle sorte qu'il sembla qu'il couvrisse la beauté de son visage du masque de la mort, où d'heure en heure il alloit joyeusement. Si est-ce qu'il ne se peut garder le plus souvent d'aller parler à celle qu'il aimoit tant. Mais à la fin, que la force lui défoyoit, il fut contraint de garder le lict dont il ne voulut advertir celle qu'il aimoit pour ne lui donner part de son ennui, et, se laissant ainsi aller au désespoir et à la tristesse, perdit le boire et le manger, le dormir et le repos, en sorte qu'il n'estoit possible de le reconnoître pour la maigreur et étrange visage qu'il avoit. Quelqu'un en advertit la mère de Samy, qu'est-toi dame fort charitable, et d'autre part, et moi tant le gentilhomme que, si tous les parents eussent testé de l'opinion d'elle et de sa fille, ils eussent préféré l'honnêteté de lui à tous les biens de l'autre. Mais les parents du côté du père n'y voulaient entendre. Toutefois qu'avec sa fille alla visiter le pauvre malheureux, qu'elle trouva plus mort que vif. Et, connoissant la fin de sa vie approchée, cesse-toi le matin confessé et reçu le Saint-Sacrement, pensant mourir sans plus voir personne. Mais lui, à deux doigts de la mort, voyant entrer celle qui estoie sa vie et résurrection, se sentit si fortifié qu'il se jecta en sursaut sur son lit, disant à la dame « Quelle occasion vous avez-ce me, madame, de venir visiter celui qui a déjà le pied en la fosse et de la mort duquel vous est la cause ?»« Comment ?» se dit la dame. Sera-t-il bien possible que celui que nous aimons t'empeste recevoir la mort par notre faute? Je vous prie, dicte-moi pour quelle raison vous tenez ce propos. Madame, se disent-ils, combien que temps il m'a été possible, j'ai dissimulé l'amour que j'ai porté à mademoiselle, votre fille. Si est-ce que mes parents, parlant du mariage d'elle et de moi, en ont plus d'éclairé que je ne voulois, veut le malheur qui m'est advenu d'en perdre l'espérance. Non pour mon plaisir particulier, mais pour ce que je sais qu'avec nul autre ne sera jamais si bien traité, n'étant aimé qu'elle eût été avec moi. Le bien que je vois qu'elle perd du meilleur et plus affectionné ami qu'elle est en ce monde me fait plus de mal que la perte de ma vie, que pour elle seule je voulois conserver. Toutefois, puisqu'elle ne lui peut de rien servir, ce m'est grand gain de la perdre. La mère et la fille, voyant ces propos, mirent peine de le réconforter, et lui dit la mère, « Prenez bon courage, mon ami, et je vous promette ma foi que, si Dieu vous redonne santé, jamais ma fille n'aura autre mari que vous, et voilà si présente à laquelle je commande de vous en faire la promesse. » La fille, en pleurant, met peine de lui donner sûreté de ce que sa mère promette-toi, mais lui, commençant bien que, quand il aura la santé, il n'aura pas sa mie, et que les bons propos qu'elle te noie, n'est-ce-toi seulement que pour essayer à le faire un peu revenir, leur disent que, si ce langage lui eût été tenu il y a voix 3 mois, il eût été le plus saint et le plus heureux gentilhomme de France. Mais que le secours venoit si tard qu'il ne peut voir plus être creux, ni espérer. Et quand ils veillent qu'elle s'esforçoit de le faire croire, ils leur disent Or, puisque je vois que vous me promettez le bien que jamais ne peut advenir, encore que vous le voulussiez pour la faiblesse où je suis, je vous en demande un beaucoup moindre que jamais je n'eusse la hardiesse de requérir. À l'heure, toutes deux le lui jurèrent, et qu'ils demandassent tardiment, « Je vous supplie, disent-ils, que vous me donniez entre mes bras celle que vous me promettez pour femme, et lui commandiez qu'elle m'embrasse et baise. » La fille, qui n'avoit accoustumée telle privolté, en cuida faire difficulté, mais la mère le lui commanda expressément, voyant qu'il n'y avait plus en lui sentiment ni force d'homme vif. La fille donc, par ce commandement, s'avança sur le lict du pauvre malade, lui disant « Mon ami, je vous prie, réjouissez-vous ». Le pauvre languissant le plus fortement qu'elle peut, estendit ses bras tous desnués de chair et de sang, et avec toute la force de ses os embrassa la cause de sa mort, et en la baisant de sa froide et pâle bouche, la tint le plus longuement qu'il lui fut possible, et puis lui dit « L'amour que je vous ai porté a été si grande et honnête que jamais, or mariage ne souhaitait de vous que le bien que j'en ai maintenant, par faute duquel et avec lequel je rendrai joyeusement mon espéré à Dieu, qui est parfait amour et charité, qui connoisse la grandeur de mon amour et honnêteté de mon désir, le suppliant, ayant mon désir entre mes bras, recevoir entre les siens mon espéré. » Et, en se disant, la reprint entre ses bras, par une telle véhémence que le cueur affaibli, ne pouvant supporter cet effort, fut abandonné de toutes ses vertus et espérites, car la joie les fait tellement dilater que le siège de l'âme lui faillit et s'envola à son Créateur. Et combien que le pauvre corps demeurât sans vie longuement et, par cette occasion, ne pouvant plus tenir sa prince, l'amour que la damoiselle avoit toujours scellé se déclaira à l'heure si fort que la mère et les serviteurs du mort eurent bien affaire à séparer cette union. Mais, à force, austère la vive pire que morte d'entre les bras du mort, lequel ils firent honorablement enterrer, et le triomphe des obsèques furent les larmes, les pleurs et les cris de cette pauvre damoiselle, qui d'autant plus se déclaira, après la mort qu'elle s'estoit dissimulée durant la vie, quasi comme satisfaisant au tort qu'elle lui avoit tenu, et depuis, comme j'ai ouï dire, quelque mari qu'on lui donnast, pour l'apaiser, n'a jamais eu joie en son cueur. Que vous semble-t-il, messieurs, qui n'avez voulu croire à ma parole, que cet exemple ne soit pas suffisant pour vous faire confesser que parfait amour mène les gens à la mort par trop être scellé et mescogneux? Il n'y a nul de vous qui ne connoisse les parents d'un cousté et d'autre, par quoi n'en pouvez plus douter, et nul qui ne l'a expérimenté ne le peut croire. Les dames, oyant cela, eurent toute la larme à l'œil, mais Hircan leur dit : Voilà le plus grand fol dont je ouïs jamais parler. Est-il raisonnable par votre foi que nous mourions pour les femmes qui ne sont faites que pour nous, et que nous craignons leur demander ce que Dieu leur commande de nous donner ? Je n'en parle pour moi, ni pour tous les mariés, car j'ai autant ou plus de femmes qu'il m'en faut, mais je dais ceci pour ceux qui en ont nécessité, lesquels, il me semble, estre sots à craindre celles qu'ils doivent faire pas haut. Ne voyez-vous pas bien le regret de cette pauvre damoiselle à voix de sa sottise ? Car, puisqu'elle embrassa le corps mort, chose répugnante à nature, qu'elle n'eût point refusé le corps vivant, s'il eût usé d'aussi grande audace qu'elle fait de pitié en mourant. Toutefois, dit Oisille, si monstra bien le gentilhomme l'honnête amitié qu'il eut pour toi, dont il sera à jamais louable devant tout le monde, car trouver chasteté en un cueur amoureux, c'est chose plus divine que humaine. Madame, dit s'affredant, pour confirmer le dire de Hircan auquel je me tiens, je vous supplie croire que fortune aide aux audacieux, et qu'il n'y a homme, s'il est aimé d'une dame, mais qu'il le sache poursuivre sagement et affectionnément, qu'à la fin n'en ait tout ce qu'il demande ou partit. Mais l'ignorance et la folle crainte fait perdre aux hommes beaucoup de bonnes aventures et fondent leurs pertes sur la vertu de leur amie, laquelle n'ont jamais expérimenté du bout du doigt seulement, car onque place bien assaillie ne fut qu'elle ne fût prince. Mais, dit par l'amante, je m'esbahis de vous deux comme vous osez tenir tel propos. Celles que vous avez aimées ne vous ont guère tenues, où votre adresse a esté en si méchant lieu que vous estimez les femmes toutes pareilles. Madame, dit s'affredant, quand t'es de moi, je suis si malheureux que je n'ai de quoi me vanter. Mais si ne puis-je tant attribuer mon malheur à la vertu des dames que à la faute de n'avoir assez sèchement entreprint, ou bien prudemment conduite mon affaire, et n'allègue pour tout docteur que la vieille du roman de la Rose, laquelle, dit, nous sommes faites beaux fils, sans doute, toutes pour tous, et tous pour toutes. Par quoi je ne croirais jamais que, si l'amour est une fois au cœur d'une femme, l'homme n'en est bonne issue s'il ne tient à sa besterie. Par l'amante dit, et si je vous en nomme moi une bien aimante, bien requise, pressée et importunée, et toutefois femme de bien, victorieuse de son cœur, de son corps, d'amour et de son ami, advoueriez-vous que la chose véritable sera possible ? « Vraiment » disent-ils. « Oui. » Lors, disent par l'amante, vous seriez tous de dure foi si vous ne croyez cet exemple. Dagoucin lui dit, « Madame, puisque j'ai prouvé par exemple l'amour vertueuse d'un gentilhomme jusque à la mort, je vous supplie, si vous en savez quelqu'une, autant à l'honneur de quelque dame, que vous la nous veuillez dire pour la fin de cette journée, et ne craignez point à parler longuement. » car il y a encore assez de temps pour dire beaucoup de bonnes choses. Et puisque le dernier reste m'est donné, dit par l'amante, je ne vous tiendrai point longuement en parole, car mon histoire est si belle et si véritable qu'il me tarde que vous la sachiez comme moi, et combien que je ne l'ai vu, si m'a elle estée racontée par un de mes plus grands et entiers amis, à la louange de l'homme du monde qui la voit le plus aimée, et me conjura que si jamais je venois à la raconter, je voulusse changer le nom des personnes. Par quoi tout cela est véritable, hormis les noms, les lieux et le pays.